Alors, Michel Prévost, archiviste en chef de l'Université d'Ottawa, bonjour. Bonjour, François-Olivier. C'est un plaisir de vous avoir. Vous êtes un habitué de la radio. Vous êtes notamment chroniqueur à la radio de Radio-Canada. Du moins, vous l'êtes périodiquement, notamment à Carl Bernier le matin. Et vous êtes aussi un guide hors pair au sein de la communauté. Vous allez d'ailleurs effectuer demain une visite du patrimoine francophone de la Côte-de-Sable. C'est un peu le pourquoi aujourd'hui de notre entretien. Donc, une visite demain qui débute à 11h, c'est bien ça? Oui, alors c'est une visite pour faire découvrir le patrimoine francophone de la Côte-de-Sable. Et ça a lieu dans le cadre d'une activité qui s'appelle la promenade de Jane. Et dans toutes les villes canadiennes, mais c'est surtout au niveau anglophone, là, on présente des visites guidées afin que les gens découvrent leur histoire et leur patrimoine. Et à Ottawa, c'est le seul endroit où il y a des visites aussi en français. Et en effet, demain à 11h, je vais inviter les gens à découvrir le patrimoine, bien sûr, de l'Université d'Ottawa, puisque le départ est au pavillon Tabaret, mais aussi pour aller découvrir l'histoire et le patrimoine des francophones de la Côte-de-Sable. Parce que souvent, les gens ont l'impression que les francophones étaient surtout dans la base ville. Le quartier ouvrier, surtout, dans la base ville. Exactement, dans le flat ou dans le secteur Vanier. Mais on oublie qu'il y avait aussi une bourgeoisie, une élite francophone qui habitait dans la Côte-de-Sable. Donc, ce sera demain, alors à 11h. Il y a également d'autres visites qui sont prévues, notamment dans le Vieux Hall. Je pense. Il y en a une l'après-midi. Le petit Chicago, là. Oui, il y a une autre visite que je vais faire en après-midi à 14h. Et c'est le canal Rideau, site du patrimoine mondial. Et encore une fois, les francophones ont beaucoup contribué à la construction du canal Rideau. Un tiers des ouvriers étaient francophones. C'était des Canadiens français. Et on va parler aussi des conditions de travail épouvantables et de voir à quel point c'est un exploit extraordinaire. Il y a aussi une visite en français, là, dans le quartier Vanier. Mais je vous invite plutôt à aller voir le site. Si vous faites avec un moteur de recherche, là, faites tout simplement promenade de Jane Ottawa et vous arrivez sur le site. Et à ce moment-là, vous avez une description de toutes les activités et avec l'heure. Il y a également aujourd'hui pour notre émission un tirage très spécial. Vous avez des livres à faire tirer pour nos auditeurs qui sont intéressés. Donc des livres notamment de M. Roger Guindon, ancien recteur de l'Université d'Ottawa, qui a écrit finalement la Bible en quelque sorte de l'université ou du bilinguisme à l'université. Et également, vous faites tirer la toute dernière parution, je crois que c'est du Bureau des archives de l'université, c'est un historique de l'université. Oui, c'est l'Université d'Ottawa depuis 1848 et ça avait été publié dans le cadre du 160e anniversaire de l'Université d'Ottawa l'an passé. Donc, vous êtes également ici aujourd'hui pour nous livrer à grands traits un portrait historique de l'Université d'Ottawa en lien avec sa communauté. Évidemment, bon là, il est déjà 11h15, ce sera une entrevue très sommaire, mais à tout le moins importante puisqu'elle donne le coup d'envoi à notre émission. Donc, c'est clair qu'on n'aura pas le temps de tout voir, de tout balayer. Néanmoins, je pense que ça serait intéressant de revoir la fondation de l'université. Souvent, on a pas certains a priori, mais certains préjugés par rapport au fondateur qui a réellement fondé l'université et tout ça. Donc, d'entrée de jeu, l'Université d'Ottawa, on en convient, c'est une histoire de tradition, de grands accomplissements et aussi de périodes de troubles. Monsieur Prévost, on doit remonter à quand pour bien saisir le contexte de la fondation et aussi des idéaux derrière les fondateurs. Jusqu'à quand est-ce qu'on doit remonter? D'accord. Alors, avant même de répondre à votre question, je voudrais vous dire que j'ai trouvé très intéressant en introduction, vous parler de sentiment d'appartenance pour un quartier, pour une institution. Et la meilleure façon, finalement, de développer un sentiment d'appartenance, c'est souvent en connaissant bien l'histoire, les racines et le patrimoine. Alors, ça commence très bien avec l'Université d'Ottawa. Et la première chose qu'il faut préciser, c'est qu'en 1848, lorsqu'on va fonder le Collège de Bytown, ce n'est pas dans la Côte-de-Sable, c'est dans la base ville d'Ottawa. Sur Sussex? Oui, exactement. Alors, au coin de Sussex et Gig. Et aujourd'hui, le premier bâtiment, malheureusement, a été démoli. Mais si vous allez près de la cathédrale, il y a un mur de pierre, là, et au bout, il y a une plaque, là, qui rappelle exactement où était le premier collège. Mais il faut dire qu'on était là seulement quelques années, puisque en 1852, on va déménager sur la promenade Sussex. Et le bâtiment existe toujours. Ça a été connu pendant très longtemps sous le nom d'Académie de la Salle. Et aujourd'hui, ça appartient au gouvernement, là, mais c'est le beau bâtiment qui est juste en face du musée des Beaux-Arts du Canada. Mais revenons en 1848. Bytown, c'est une toute petite ville. C'est une ville forestière qui a mauvaise réputation. En fait, on oublie là la belle capitale nationale du Canada. Là, c'est une ville où il y a des conflits ethniques entre francophones et entre irlandais. Il y a des problèmes de pauvreté, d'emploi. Et c'est ce qui est extraordinaire que Monseigneur Gigg, qui est le premier évêque catholique de Bytown, décide de fonder un collège. Faut préciser, et ça j'oublie des fois de le dire, c'est un collège pour garçons, parce que dans... Bon, on est au 19e siècle, il y a les Sœurs de la Charité qui vont s'occuper de l'éducation des filles et les Oblats vont s'occuper... Il n'y a pas les Sœurs Grises aussi qui... Oui, exactement. Plus pour le primaire et le secondaire. C'est les Sœurs Grises pour les filles. Pour les filles, c'est ça, oui. Alors que les Oblats vont plus s'occuper de ces des garçons. On peut dire que ce premier collège-là, c'est une copie conforme là des collèges classiques que l'on va retrouver au Québec. Alors, on met beaucoup l'accent sur la religion, le grec, le latin, un peu d'histoire, un peu de géographie, l'anglais et le français, mais il y a quelque chose d'unique à ce collège-là, c'est finalement son bilinguisme. Voilà. Tous les cours sont donnés en français le matin et en anglais l'après-midi. Et c'est ce qui fait que l'Université d'Ottawa est la plus ancienne et importante université bilingue en Amérique du Nord. Et c'est là qu'il faut aller voir la philosophie de Monseigneur Gigg. Le diocèse de Bytown, à l'époque, là, c'est un immense diocèse qui comprend la région aujourd'hui de la capitale fédérale, mais aussi l'Est ontarien et l'Outaouais. Donc, il y a des anglophones et des francophones. Et pour Monseigneur Gigg, là, le but premier de son collège, pour lui, c'était important que les deux communautés connaissent la langue de l'autre, mais aussi la culture. Mais on est en 1848, et finalement, ça, c'est beaucoup plus les idées de Pierre-Éliott Trudeau, oui, là, dans les années 1968. Oui, donc c'est ça, on fait un peu le présage de la commission Laurando Dunton aussi qui va arriver beaucoup, beaucoup plus tard. Ben oui, ouais. Donc, il est en avant de son temps, ce Monseigneur Gigg. Tout à fait. Et ce n'est pas, contrairement à ce que plusieurs personnes pensent, en fait, ce n'est pas M. Tabaret qui est le fondateur de notre université, mais c'est bien ce M. Gigg. Quel a été le rôle, donc, de Tabaret, de M. Tabaret dans la fondation, dans la construction de l'université? D'accord. Parce qu'il a sa statue devant Tabaret. Le pavillon principal de l'université porte son nom. Le magazine officiel de l'université porte son nom. Alors, c'est important quand même de préciser qu'il n'est pas le fondateur, parce qu'on a bien dit que c'était Monseigneur Gigg, mais il est vraiment le bâtisseur de l'Université d'Ottawa. Et je vous explique. En fait, il va diriger l'université pendant une trentaine d'années au 19e siècle, et c'est vraiment sous lui qu'on passe de petit collège à université. C'est un père Oblat, il est originaire de France, mais c'était un homme qui était très, très dynamique, et finalement, on dit qu'il était l'âme de l'Université d'Ottawa, et entre autres, c'est lui qui, en 1874, va introduire un nouveau programme. On va s'éloigner là du collège classique du Québec. Et on va mettre plus l'accent sur les sciences, les mathématiques, mais aussi les sports. Et là, c'est là qu'on voit l'influence anglaise. Parce que dans les institutions, même aujourd'hui, dans les institutions françaises, les sports et les universités, ça va pas ensemble. Alors que dans la tradition britannique, sport et université vont très bien ensemble. Et sous le règne du père Tabaret, je dirais, là, pendant très, très longtemps, quelqu'un qui aimait pas les sports à l'université aurait dit un peu malheureux, parce que ça faisait partie intégrante du programme, et ça fait partie aussi de l'esprit victorien de l'époque, là, un corps sain dans un esprit sain. Alors, l'éducation physique, les sports, c'était très important. Mais il y a une autre raison aussi. Faut pas oublier qu'il y a beaucoup d'étudiants qui sont pensionnaires ici. Ils arrivent au début septembre et ils partent à la fin de juin. Il y en a qui vont même pas chez eux pour les vacances de Noël et de Pâques. De penser que ces jeunes-là vont seulement qu'étudier et aller à la messe, là, en fait, c'est se tromper. Fallait que ces jeunes-là bougent aussi. Et pour développer, pour bouger, mais aussi développer cet esprit d'équipe, de famille, ben, il y avait les sports. Et entre autres, beaucoup, beaucoup le football, le hockey. Mais en fait, on pratiquait, là, une kyrielle de sport. Il y avait plus de sport à l'université au 19e siècle qu'il y en a aujourd'hui. L'élévation de l'université au rang d'institution pontificale par le pape Léon XIII en 1889, qu'est-ce que ça signifie dans son histoire? Est-ce que c'est un moment tournant oui, pour l'université? Oui, en fait, c'est drôle parce qu'en 1866, l'université va recevoir une charte royale, une charte civile, mais qui vient de la reine Victoria. Et on peut penser que les pères Aublats ont été beaucoup plus contents de recevoir la charte pontificale de Léon XIII en 1889. En fait, ça veut dire qu'on devient une université catholique, qu'on peut fonder une faculté de théologie. Mais pour vous montrer à quel point cette charte-là est importante, c'est vraiment à partir de 1889 qu'on va créer les structures que l'on connaît aujourd'hui. Oui. Par exemple, c'est là qu'on va fonder les quatre première faculté. En fait, trois, puis il y en a une qui va s'ajouter tout de suite après. La notion de faculté, comme on connaît aujourd'hui, c'est en 1889. C'est là qu'on va fonder la faculté des arts, la faculté de théologie et la faculté de philosophie. Et peu après, la faculté de droit. Mais de ces quatre premières facultés, il ne reste plus que la faculté des arts. C'est là aussi que le titre, avant, on appelait celui qui dirigeait l'université, le père Tabaret, par exemple, était le supérieur du collège. C'est à ce moment-là qu'on crée le titre de recteur. Le titre de chancelier à l'université aussi apparaît en 1889. Et c'était tous, il faut mentionner, c'était tous des Oblats. Ce sera le cas jusqu'en 1965, où là, les hauts postes dans la gouvernance pourront désormais être occupés par des gens de confession religieuse, d'autres confessions religieuses ou carrément des laïcs. Oui, je vois que vous connaissez quand même assez bien l'histoire. Ah ben j'ai fait mes devoirs, M. Prévost. Et en ajoutant, pour vous montrer à quel point ça n'a pas été une révolution en 1965, même si l'université n'était plus dirigée par les pères Aublats, c'était plus une institution oblate, on va quand même garder le même recteur parce que Le père Guindon, le père Roger Guindon, il y a un pavillon ici qui porte le nom de Roger Guindon, a été le dernier recteur Aublat, mais aussi le premier recteur de la nouvelle université. Et finalement, il va diriger l'université jusqu'en 1984. Alors, si on regarde dans l'histoire de l'université, on a quand même été dirigé de 1848 à 1984 par les pères Aublats. Et il faut vraiment rendre hommage à cette communauté religieuse là, qui a joué un grand rôle ici. On continue donc, on revient à la fondation, ou peut-être un peu plus après en fait. Vers 1915, il y a des tensions qui commencent à s'animer au sein de l'université, surtout entre la communauté irlandaise oblate qui et évidemment la communauté canadienne française catholique donc les tensions augmentent et ensuite il y a une chute drastique de la population anglophone de l'université puisque ces derniers décident de quitter l'université. Donc il y a un schisme qui se crée en 1915 qui est une date assez importante. Permettez-moi de vous corriger en vous disant que les tensions avaient commencé bien avant 1915. En fait, c'est surtout le dernier quart du 19e siècle, là, à partir de 1874 et jusqu'en 1901, et en particulier à la fin du 19e siècle, et ceux qui connaissent l'histoire des Franco-Ontariens vont être surpris d'apprendre que Mgr Farlane, Michael Farlane, qui est le fameux évêque là, dans le sud de l'Ontario, de London, est sans doute amoureux des Canadiens français. Non, c'est sans doute le prélat qui était le plus anti-franco-ontarien. Oui. Oui. Mais ce que les gens ne savent pas, c'est qu'à la fin du 19e siècle, il était recteur ici. Il était vice-recteur à l'Université d'Ottawa. Alors, pour la vie française à l'université, c'est quand même une période assez sombre. Par exemple, tous les procès-verbaux sont rédigés en anglais seulement. Les annuaires sont seulement en anglais. Mais ça va être une très, très courte période. Parce que effectivement, comme les pères au blanc n'arrivaient pas, les pères au blanc anglophones et francophones n'arrivaient pas à s'entendre. Il y a une majorité qui va partir au début et finalement du 20e siècle. Et on va aller fonder le collège Saint-Patrick, oui. En fait, le collège n'existe plus, là, mais aujourd'hui, je pense que c'est l'école secondaire Immaculata sur la rue Maine. Oui, mais vous avez raison de souligner que malheureusement, il y a eu pendant assez longtemps une tension entre les Irlandais et les Canadiens français. Mais faire attention, cette tension-là n'est que le reflet, finalement, de la communauté environnante. Il faut savoir que, malheureusement, le règlement 17, par exemple, il n'y a pas eu, les Irlandais n'ont pas été les alliés des francophones, et même Monseigneur Farlin est celui qui a le plus approuvé le règlement 17. Oui. Le règlement 17, en deux secondes, étant le fameux règlement là qui permettait l'enseignement du français seulement qu'à la première et deuxième année en Ontario. Mais ça, il faut pas mettre trop... C'est un volet de l'histoire de l'université, mais il faut savoir là que après le départ de ces Irlandais là qui ne voulaient absolument pas faire la promotion du bilinguisme à l'université, ceux qui sont restés, et là c'est faut pas se cacher, c'est quand même majorité de pères francophones vont quand même continuer à faire la promotion du bilinguisme. Mais c'est une tension qui se joue aussi au sein de la communauté de la Côte-de-Sable. C'est partout. Oui, c'est une période assez difficile, fin du 19e, début du 20e siècle, c'est une période difficile et l'aboutissement, c'est en 1912 avec le règlement 17 parce que quand on regarde l'histoire de l'Ontario au 19e siècle, ça créait pas de problème des écoles francophones en Ontario, puis il y en avait, puis il y avait pas de tension. C'est vraiment là à partir de au début du 20e siècle là et de 1912, on va mettre en veilleuse le règlement 17 en 1927 là, mais c'est une période difficile et comme l'université, ben c'est le reflet de la société, c'est difficile aussi. Entre-temps, l'université va aussi passer à travers de deux grands événements, la Première Guerre mondiale et la fameuse grippe espagnole qui refait surface un peu dans l'actualité actuellement. Donc, deux événements qui affectent particulièrement la population étudiante de l'Université d'Ottawa. Qu'est-ce que vous avez à dire sur ces événements-là? La Première Guerre mondiale, comme nos étudiants sont assez jeunes et ils étudient, ils n'ont pas été tellement touchés par la Première Guerre mondiale. Par contre, la grippe espagnole, ça va vraiment bouleverser la vie à l'université parce que, on va interdire toutes les activités publiques, mais il y a quelque chose de particulier ici. Il faut savoir que juste en face du pavillon Tabaret, il y a deux églises. L'église Saint-Joseph pour les Oblats anglophones et vous avez la paroisse du Sacré-Cœur là pour les Oblats francophones. Ce qui veut dire que les jeunes étudiants attendaient constamment le glas. Et ça, c'était assez traumatisant pour les étudiants. Un jour, j'ai interviewé un ancien de l'université. Il m'a quand même raconté une histoire bouleversante. Un de ses copains de classe, ils étaient 10 à la maison. Et il est le seul qui a survécu, justement parce qu'il n'était pas à la maison, mais parce qu'il était à l'Université d'Ottawa. Mais pouvez-vous vous imaginer, à tous les deux jours ou à toutes les semaines, recevoir une lettre vous annonçant que... Le décès d'un proche. Oui, exactement. Alors ça a été très, très traumatisant, la grippe espagnole. Et pour faire un lien avec aujourd'hui, elle avait commencé exactement comme la grippe là, que l'on connaissait aujourd'hui. Alors je pense que c'est pour ça que les autorités là sont si craintives. Et finalement, là, il y a des gens qui disent qu'on veut faire paniquer, on veut semer la panique. Je pense que tout simplement, on veut s'assurer que la grippe espagnole ne se répète pas. C'est ce qui met un terme à notre premier bloc historique. Merci, Monsieur Prévost. On est de retour avec vous dans quelques instants. êtes toujours sur les ondes de CHUO 89.1 FM. Vous écoutez la première édition de l'émission Autour du Bloc, vouée essentiellement aux actualités et à l'histoire de la communauté de l'Université d'Ottawa et de la Côte-de-Sable. On est toujours avec Michel Prévost, archiviste en chef de l'Université d'Ottawa, qui nous a présenté là, à grands traits l'histoire de la fondation de l'université, du Collège de Bytown, qui devient par la suite l'Université d'Ottawa. Monsieur Prévost, après la Première Guerre mondiale, c'est l'entrée de... Bon, évidemment, il y a l'université durant les années folles, mais il y a aussi l'entrée de l'université dans la grande crise économique des années 30. Est-ce qu'elle est périlleuse pour l'université, la crise des années 30? Est-ce qu'elle affecte l'université? Est-ce que l'université va perdre beaucoup d'étudiants? Bien, on va perdre un étudiant qui va devenir très, très célèbre. Et s'il était devenu fonctionnaire, peut-être qu'on n'aurait jamais entendu parler de lui. Alors, plusieurs vont peut-être être surpris d'apprendre que Félix Leclerc étudiait ici pendant la grande crise. Et en 1933, que l'on considère là comme l'année la plus difficile, ça a été terrible l'année 1933. Alors, ses parents là-dessus ont dû le rappeler parce qu'il ne pouvait plus payer ses frais de scolarité. Alors, ça a été difficile partout, la grande crise des années 30. Alors, l'université a été touchée aussi. Mais par contre, il y a des choses positives qui arrivent pendant la grande crise. Et je vous dirais, c'est l'accroissement de la population étudiante féminine. Parce que au 19e siècle, je vous donne une petite anecdote. Un jour, il y a une étudiante qui arrive aux archives et elle me dit, je m'en viens faire une recherche sur les étudiantes à l'Université d'Ottawa au 19e siècle. Je lui ai dit, bon, votre recherche est terminée parce qu'il n'y avait pas de femmes ici au 19e siècle. Et les étudiantes aujourd'hui, les étudiants de 2008 à 2009 ont de la difficulté à s'imaginer que finalement, il y a 100 ans, là, il n'y avait pas de femmes à l'université. Il n'y avait pas d'étudiantes à l'Université d'Ottawa. Pendant la crise, là, ça va commencer à augmenter parce que c'est avec l'école normale de l'Université d'Ottawa là, dans le domaine de l'éducation, mais aussi au début des années 30, on va fonder l'école des gardes-malades qui va devenir là, l'école des sciences infirmières, ce qui fait que à ce moment-là, on va commencer à augmenter la population féminine. Et plus tard, là, on va aussi fonder l'école des sciences domestiques. Vous serez pas surpris, François-Olivier, que cette école n'existe plus parce que essentiellement, est-ce que vous savez ce qu'on enseignait? Mais on préparait les dames pour le travail à la maison, pour le travail au foyer. Exactement. Bien préparer de bons repas, bien décorer la maison, une bonne éducation aux D'ailleurs, enfants. Il y a des photos dans votre livre que vous avez récemment publié sur... justement, il y avait des fourneaux aménagés et des cuisines à grande surface aménagées pour toutes ces filles qui venaient étudier comment être une bonne femme à la maison, finalement. Exactement. Mais par contre, il y avait un volet aussi quand même plus sérieux. Oui. Par exemple, il y a une des photos où on voit des rats. Alors, on va se demander qu'est-ce que des rats font à l'école des sciences infirmières. On était soucieux de la bonne alimentation. Mm-hmm. D'ailleurs, mm-hmm. cette école-là va devenir, là, éventuellement, un département de diététique. Alors, il y avait quand même un souci, là, d'être un peu plus, là, professionnel, quand même, là. Donc, en parallèle avec ces débuts d'institutionnalisation de l'université, parce qu'il y a aussi l'École d'action catholique qui survient, le service social, le centre social de l'université, il y a plein de petites institutions comme ça qui vont émerger. En parallèle de ça, il y a aussi une vie culturelle et sociale universitaire qui commence à s'organiser. On pense entre autres à la salle académique qui est fondée un peu plus avant, cependant, en 1923. Mais il y a les journaux étudiants, la Rotonde, le Fulcrum, la Rotonde avant le Fulcrum, 1932. Soulignons-le. Comment expliquer que la presse étudiante ait pris autant de temps à se développer sur le campus? Mais peut-être pas juste la presse étudiante, mais aussi tout un bouillonnement culturel. Pourquoi est-ce qu'on a dû attendre là, plusieurs décennies avant que ça se mette en branle, selon vous? Bien, curieusement, on parle de journaux étudiants. Il y avait un journal étudiant en 1800. Le plus ancien journal étudiant de l'université, ça s'appelle The Owl. Oui. Il avait été fondé en 88, mais n'était que anglophone. Il y a eu des petits journaux aussi de Var, par exemple, qui étaient francophones. Mais vous avez raison, ce n'est qu'en 1932 là, qu'on va créer La Rotonde, et qui, en fait, qui est très ce qui est intéressant avec La Rotonde, c'est encore aujourd'hui, c'est le plus ancien et important journal francophone étudiant là, à l'extérieur du Québec. Alors, c'est un journal là, qui est très important pour la communauté francophone. Et à l'époque, les journaux jouaient un rôle important important, mais il faut faire attention. Ils n'étaient pas autonomes comme aujourd'hui. Non, c'est sûr. Alors, l'administration avait un droit de regard important. Alors, vous avez les journaux, mais vous avez aussi, vous avez parlé tantôt, la salle académique. Alors, on développe le théâtre aussi. Il y avait quand même la Société des débats français oui. qui existe depuis les années 1880. Alors, faut dire que peut-être que c'était pas ouvert au grand public, mais les Pères Aublats ont toujours favorisé une vie culturelle à l'Université d'Ottawa. Bien sûr, plus l'université va grandir, plus les besoins vont aussi devenir importants, puis à ce moment-là, la vie culturelle va se développer davantage. Mais je dois dire que, par exemple, je pourrais vous parler de musique. Il y a une vie musicale à l'Université d'Ottawa depuis 1858. On voit aux archives, on a des photos, on a même encore les anciens instruments. Au 19e siècle, il y avait déjà une fanfare à l'université. Par contre, c'était peut-être plus fermé, moins ouvert à la communauté, alors que plus on avance dans le temps, mais là, en fait, plus on va se déplacer vers la communauté, plus la communauté de la Côte-de-Sable en particulier va être invitée à venir assister là, à ces événements culturels-là. En terminant ce deuxième bloc historique de l'université, il y a la Deuxième Guerre mondiale, où là, il y a peut-être plus de choses à dire. La direction de l'université va approuver la formation, notamment du corps-école d'officiers canadiens de l'Université d'Ottawa. Quel rôle a joué ce corps-là et quel a été le rôle de l'université dans la Deuxième Guerre mondiale? Comment est-ce que ça l'a affecté? D'accord. Alors, autant la Première Guerre mondiale va pas toucher l'université, autant la Seconde Guerre mondiale va toucher. Là, à ce moment-là, bon, il va y avoir un engagement beaucoup plus profond. On dit qu'il y a à peu près 1000 anciens ou des étudiants d'université qui vont participer à la guerre. Et des 1000-là, il y en a quand même une cinquantaine qui va perdre la vie. C'est ce qui explique pourquoi le 11 novembre, il y a toujours une cérémonie à l'Université d'Ottawa à la Rotonde, et j'ai rédigé une plaque là, en 1998 qui rappelle, parce que je pense que c'est important de rappeler cette contribution-là. Et la contribution vient en grande partie du corps école d'officiers canadiens de l'Université d'Ottawa. Alors, c'était des officiers qui étaient formés ici à l'Université d'Ottawa. Et ce qui est intéressant... Là, entraînés aussi, donc... Oui, exactement, c'est ce que j'étais pour vous dire. On a des photos ici où on voit là des grands défilés militaires. On pratiquait beaucoup en face du pavillon Tabaret, mais aussi aujourd'hui où vous avez l'édifice des archives ou l'édifice des sciences, là, pavillon Diorio, par exemple, il y avait un grand champ là, et on faisait des entraînements militaires à cet endroit-là. Autre événement intéressant, on organisait régulièrement des campagnes pour le sang, là, des cliniques de sang. Alors, les étudiants étaient invités à donner leur sang. Il y avait aussi un groupe qui s'était fondé qui s'appelait Pax Romana, et on ramassait de l'argent pour aider les étudiants des pays européens qui souffraient.